57. La loi au secours de la technologie. Lu par Toussaint San. La loi au secours de la technologie. En 1998, un consortium regroupant les majors du disque, plusieurs mastodontes d'Hollywood et une série de firmes high-tech se crée aux États-Unis. L'objectif de ce Secure Digital Music Initiative, SDMI, Initiative pour la musique numérique sécurisée, est la mise au point d'une technologie de marquage et de protection des œuvres numériques, ce que l'on n'appelait pas encore à l'époque Digital Rights Management. Les firmes engagées dans ce travail sont pressées. Napster connaît déjà un immense succès planétaire, fondé sur le format de fichiers qui suscite une véritable panique dans l'industrie, le MP3. Les sociétés membres du SDMI visent à remplacer le MP3 par un autre format, permettant à chaque chanson d'être numérotée et identifiable, et prohibant la copie. Surtout, elles ambitionnent de rendre ce format inviolable pour éviter que des petits malins ne cassent la protection. L'échec de ce projet signifierait que l'Internet deviendrait un monde où plus rien n'aurait de valeur, déclare alors Leonardo Chariglione, le patron du SDMI. Le consortium parvient assez vite à un résultat. Reste à vérifier la solidité de sa technologie. En 2000, sûr de son fait, il promet 10 000 dollars à qui parviendra à la casser. Début 2001, une équipe de chercheurs en informatique, emmenée par Edward Felten de l'université de Princeton, annonce qu'elle est venue à bout des clés de codage protégeant le fameux format de fichier miracle du SDMI. Et les universitaires s'apprêtent à révéler la façon dont ils sont parvenus à ce résultat lors d'un colloque. Aussitôt, les industriels s'y opposent. La prime de 10 000 dollars impliquait le maintien du secret. Or, Edward Felten n'en veut pas. Il veut faire publier ses résultats. Le SDMI menace alors de le poursuivre en justice au nom d'une loi fédérale de 1998, le Digital Millennium Copyright Act, DMCA, s'appuyant sur l'une des dispositions du texte qui interdit de contourner une mesure de protection destinée à protéger des œuvres. Le DMCA est une loi venue au secours de la technologie, et plus encore, une loi venue au secours de la technologie, elle-même déjà venue en renfort de la loi. Le copyright interdit la copie ? Insuffisant, estiment les industries culturelles. Il faut une protection technologique. Mais si la technologie est violée, alors il faut une loi pour l'interdire. A priori, rien de très grave. Après tout, personne ne trouverait choquant qu'une loi défende de fabriquer des appareils capables de désactiver les alarmes d'une voiture. Mais la situation est très différente dans le cas des œuvres. Il n'est jamais légitime de s'introduire dans le véhicule d'autrui, alors qu'il est légal de copier une œuvre pour son usage privé. Il devrait être tout aussi légal pour un chercheur en informatique de publier les résultats de ses travaux sur les systèmes de protection sans risquer la censure. Le DMCA confisque ses libertés. Toute atteinte à un système de protection technique du copyright est prohibée, et cela même si le but est légitime. Cette loi a entériné la vision de la propriété intellectuelle des seuls titulaires de droits en leur concédant une arme pour la faire respecter. Edward Felten a pu rendre public ses travaux. Le scandale suscité par la manœuvre des industries culturelles a gelé toute velléité de leur part d'aller jusqu'au procès. Les efforts du SDMI, d'ailleurs, se sont soldés par un désastre technologique, les entreprises membres du consortium n'étant pas parvenues à s'entendre. Mais les DRM sont désormais en phase de décollage et des acteurs comme Microsoft, Apple, Sony proposent maintenant chacun leur système anti-copie aux majors du disque à Hollywood ou aux éditeurs de livres désireux de se frotter au numérique. Toutes ces technologies sont évidemment protégées par le DMCA. Et tous les pays sont en train de se doter de textes similaires, afin de se conformer aux obligations d'un traité international de 1996, le Copyright Treaty de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En Europe, c'est une directive de 2001 qui reprend ce principe. Sa transposition en France a débuté à l'hiver 2004 et menace directement la copie privée.